Chapitre 5 Papémoé Source mystérieuse Petit 1 Le grand arbre trois fois fier de sa frondaison, l'arbre mort maintenant verse le mandelière, jette d'un geste aigu l'ombre inhospitalière d'un écueil sur la mer de glèbe et de gazon. Ô matin, l'amour tarde ses traits de lumière aux hommes endormis parmi la fenaison, et la voix des enfants enchante la clairière. Mais l'arbre humilié désole l'horizon. Chant des oiseaux et leur rythmique ondoiement d'ailes, hymne du moissonneur aux semences fidèles. Tout est beauté, tout est bonté, tout est clarté. Le ciel rit doucement à la plaine infinie, d'où monte comme un vaste arôme d'harmonie, mais l'arbre mort se dresse et tout est dévasté. Petit 2 Par ici, bûcheron, avec ta hache claire, viens accomplir l'œuvre d'amour et de colère. Avec l'amour et la colère de l'acier, frappe au pied le grand arbre, ô jeune justicier. Avec l'assentiment des dieux et de ta force, abat le géant mort sous ta stérile écorce. Brise les rameaux secs, romps les flancs vermoulus, frappe le coup suprême au cœur qui ne bat plus. Éblouis du plein jour, la foule ténébreuse, des démons accroupis, dans la carcasse creuse. Ils jetteront sur toi des cris horribles, ris car un dieu est dans ta main droite de leurs cris. Et s'ils prennent pour t'attendrir des voix touchantes, poursuis ta tâche, et plus haut qu'eux, toi-même, chante. Avec l'amour et la colère de l'acier, détruis l'arbre funeste, ô jeune justicier. Et que l'infini vibre, et que le ciel s'atteste, ô vaste et circulaire élan bleu de ton geste. Petit 3 Au premier coup que triste on entendit gémir, dans l'arbre du passé, la voix du souvenir, vibrant du loin des jours à l'émoi des murmures. Et que pâlit la nue à travers les ramures, s'entrechoquant comme des bras décharnés, noirs dans la folie et la fureur du désespoir. Et que perdit l'éclat gai de sa robe verte, le gazon où tombait la multitude inerte, des menus rameaux morts, au premier choc brisé. De pesants relents soudain volatilisés chargeaient l'air, et dans le ciel s'éveillait l'orage. Mais le bûcheron bûcheronnait avec rage, une chanson légère aux dents et une fleur, et sa hache était dans la surhumaine ampleur de l'effort l'aile d'un ange qui fond des nues, du fait jusqu'en les profondeurs inconnues, où son orgueil des anciens temps fut implanté, tout l'arbre frémissait sous les coups répétés. Ce n'était maintenant dans le mort titanique que l'unique rumeur pathétique et panique du million de cris des monstres dont ses flancs se peuplèrent et qui dardaient leurs yeux sanglants. Avec des plaintes et des menaces rugies, à l'entaille toujours par la hache élargie. Cris rauque de la haine, aigre cri de la peur, malheur, meurt le profanateur. C'est ici notre empire et la nuit. Arrière, nous sommes ceux qu'on fuit, les vers nourris de sang corrompu, gorgés toujours et jamais repus, les désirs rampants au fond des cœurs, tout ce qu'on cache et tout ce qu'on fuit, les larves obscènes de la nuit, toute la haine et toute la peur. Tout ce qu'on fuit et tout ce qu'on cache, arrière, arrière, épargne l'horreur du soleil aux larves de la nuit. Crains-nous la haine, crains-nous la peur. Malheur, meurt le profanateur. Et des griffes grinçaient sur l'acier de la hache. Mais le bûcheron bûcheronnait sans rien voir, sans rien entendre, simple et faisant son devoir. Soudain cessèrent les cris et magicienne, une voix seule, belle en sa grâce ancienne, délicieusement, mélancoliquement, chanta ses vers sur un rythme triste et charmant. Je fus touché par les années, avant que par ta main cruelle voie les sévères destinées, mon meurtri de leurs fortes ailes. Vois, la fin de l'arbre est prochaine, et le crime était inutile. Vois, c'est un moment que ta haine, enfant sacrilège, mutile. Vois, la pitié du temps oublie, le vieux, l'unique, le suprême, témoin de forêts abolies. Ô fils de l'aube, fais de même. J'étais la bonté de la terre, aux jours heureux de tes ancêtres. Écoute le vieux solitaire, demandez grâce au nouveau maître. Écoute et vois, mille ans de gloire, consacre mes tremblantes branches. Respecte les ramures noires comme les chevelures blanches. Tes pères, à mon ombre auguste, sont nés. Jeune homme à la main rude, du fond de leur tombeau, c'est juste maudisse ton ingratitude. Mon abri leur fut tutélaire. Quand les nuages étaient sombres, dans la chaleur des heures claires, ils aimaient dormir à mon ombre. L'amour y commença le rêve que la science y vint poursuivre, et c'est aux sources de ma sève qu'ils ont bu l'ivresse de vivre. Car l'homme à l'arbre, qu'ils torturent, doit la paix, la force et la joie. C'est moi le mât et la toiture. C'est moi dans l'âtre qui flamboie. J'attire sur moi la tempête. Et muse, tour à tour émire, j'inspire les chants du poète. Et l'air guéri que je respire. Le vent dans ma tête sonore a rendu d'illustres oracles. Et le crépuscule et l'aurore y font encore leur miracle. Sonne l'heure, soit, je succombe, mais je veux une fin sublime. Les dieux m'ont destiné pour retombe, creusé par la foudre, un abîme. La hache se levant et retombant toujours, répondait gravement à coups égaux et lourds. Périsse la mort et vive la vie. Non, pas la pitié, mais l'horreur t'oublie. Retourne à la nuit, messager d'effroi, car l'odeur du mal émane de toi. Car tu n'as plus rien de l'aïeul splendide qui verdoyait clair sur le ciel limpide. Debout dans sa grâce et dans sa vigueur, somptueux bouquet d'une seule fleur. On le vénérait, lui, l'ancien, le sage, ses rameaux puissants sur le paysage, à leur ombre sûre au loin abritée. Avec la fraîcheur versait la bonté. Que Dieu malfaisant, par quelle nuit morne, dressa ton opprobre, ô fatale borne, que la peur signale et signe le deuil, au lieu où fleurit tant de juste orgueil. Il ne sort de toi que bruit de mensonge. Des exhalaisons putrides de songes empoisonnent l'air que tu respiras. La haine et la peur ont crispé tes bras. La haine et la peur suintent dans tes plaies. Tu blesses le jour et tu nous effraies comme une menace et comme un affront dont nous portons tous le stigmate au front. Périsse la mort et vive la vie. Tu tins trop longtemps la plaine asservie à l'autorité d'un passé nié par ton propre spectre, arbre humilié. On tremble à ton ombre on n'ose pas vivre. L'homme est devenu morose, l'amante mendie en vain des baisers, et les frères ont été divisés. Et plusieurs ont clos leur maison, de crainte que ton ombre entrât par la porte sainte, et souffla la mort sur les purs flambeaux, que l'amour allume entre les berceaux. Tu ne tiens debout que par l'artifice, les démons, ô leurs funestes complices, qui vont aiguiser la nuit s'évadant, sur l'enfant qui dort leurs griffes et leurs dents. Mais moi, pénétrant dans ta pourriture, je délivrerai l'homme et la nature. De l'arbre stérile et des vils esprits, la mort et le mal sont en toi, péris. Afin que l'espoir dans les cœurs renaisse, afin qu'il y ait une autre jeunesse, de nouvelles fleurs, encore un été, et que l'amour règne avec la beauté. Périsse la mort et vive la vie. Je frappe et je suis sourde, pleure, crie, l'œuvre est faite, l'aube a vaincu la nuit, et l'arbre de la science est détruit. Petit 4. Dans la plaine et les monts, dans la mer et les îles, et bien loin au fond des sept lieues dans l'au-delà, quand sur sa base enfin le géant oscilla, un cri vibra de joie et d'attente fébrile, et quand, laissant dans l'air l'écho râle et dingla, il accabla le sol de sa grandeur stérile. La tempête fondit sur le mort, et de mille promptes flèches de foudre et de sang le cribla. Cependant que du tronc fuyait la foule affreuse, des démons expirants, dont les voix douloureuses, clamaient vers la clarté. Le dieu Pan est vivant. Et qu'à du pied de l'arbre une source soudaine jaillissait, radieuse, amoureuse, sereine, et déjà s'y mirait l'or du soleil levant. Petit 5. Source cimérienne, eau lustrale, eau divine, source de vérité, ton éclat m'illumine, source de volupté, tes conseils sont les vrais. Je t'écoute et ta voix m'enseigne les secrets. Source mystérieuse, ô divine, ô lustrale, voici que sur tes bords l'antique pastorale refleurit, libre et calme et gai. Ô, je boirai pour purifier mon cœur à ton flot sacré. Ta fraîcheur sur mon front, sur mes mains, sur mes lèvres, pour les guérir du feu des maléfiques fièvres. Ta fraîcheur sur mes yeux, afin qu'ils puissent voir la vie ancienne réfléchie en ton miroir. La vie humaine au soleil jeune épanouie, la vie heureuse, la vie humaine, la vie. Voici, par groupe et par couple librement, groupe rieur, couple grave, d'amis, d'amants, foulant de pas égaux et lent l'herbe odorante. Ils vont, foyer vivant de lumière vibrante, et fastueusement vêtus de seul soleil, à la source qui rit son frais rire vermeil, et s'enivre d'être clair comme la joie, baigner leur corps ou l'or pourpré du sang flamboie. Et l'aurore médite au front du dieu pensif, solidement assis dans son orgueil massif. Majestueux monceau de siècles et de pierres, qui dresse à l'horizon son horreur familière. pour rappeler à l'homme aisément oublieux qu'ils se souviennent de faire leur part aux dieux, et leur offre à cueillir la fleur de son extase. Car cette ardeur inextinguible qui l'embrase lui vient d'eux et vers eux doit retrouver son cours, selon la loi de bienfaisante parabole qui régit les destins, les amours et les jours. Ainsi l'aurore sur le front dur de l'idole inscrit en s'y jouant l'éternelle leçon. Si de ton propre sang libéral et chanson, tu nous le verses dans la coupe de tes veines, le vin débordera toujours la coupe pleine, et ta gloire sera le prix de ta vertu. Il taira dans ton cœur avare si tu refuses de payer la rançon légitime. Et soudain, gloire à toi, radieuse victime, des orbites du dieu, un éclair jaillissant rouge frappe à la tête et couronne de sang un jeune homme entre tous le plus beau. Il frissonne dans la lumière divine qui l'environne. Il se lève, et tout se voit de son front, de son cœur rayonner les traits du soleil intérieur, qui dans l'intime orgueil du juste le désigne, avant qu'un dieu le montre et le proclame digne. Et de la tête éblouissante du témoin, sur la plaine et la mer et les îles, au loin, jusqu'au fond des sept cieux tumultueux naguère, à l'infini se propage l'âme en lumière, qui demain, hors du nombre et du temps, vibrera dans le midi profond des yeux de Taora. Et tous les vivants, sur cette grande figure, admirent la splendeur de leur gloire future, et la nécessité heureuse de la mort, exaltent la joie et l'amour au cœur des forts. L'élu est acclamé, l'idole est saluée, puis une extase tendre et du ciel influée jette aux bras des amants les amantes tandis que l'âme élémentaire de ce paradis, la fontaine voluptueuse et véridique, chante au dieu réjoui son sublime cantique. Hyménée, c'est partout l'odeur et la couleur du sang, c'est partout la beauté du sang vainqueur, c'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on sent, c'est lui qu'on touche, c'est lui qui rit dans les blessures et les bouches, impatient d'agir, empressé de s'offrir, ivre de sacrifices autant que de plaisir. Et ses effluves font sur la nature comme un rideau d'or roux qu'elle tient des mains de l'homme. C'est partout la chaleur du sang qui fuse et luit. Il arrose la terre et saigne dans les fruits. Il décore la mer et c'est lui qui s'allume aux roses des coraux, épanouies d'écume. Et son odeur avec la sieste, avec le soir, de la fontaine où les femmes viennent s'asseoir, dénouant les plis frais de l'onde sur leurs hanches, s'exhale et largement dans la brise s'épanche et se mêle aux senteurs amères du santal. Petit 6. Ô nouvelle beauté de l'autre fois vitale, ô sur ce bord de l'infini marchant sans peine, simple vive la vie ancienne, heureuse, humaine, ô libre, sans souci de demain et d'hier, se donner comme l'eau, comme l'air, mirer le monde en soi, rayonner dans les choses, avoir pour âme l'âme héroïque des roses. Ah, source d'autrefois qui chante, je t'entends. Source mystérieuse, ô divine des temps. Et maintenant que sur la plaine et sur mon âme, l'arbre maudit ne verse plus son ombre infâme, remords et désirs, maux et fumées, occident, je viens à toi, l'esprit calmé, le cœur ardent, déjà riche de tes bienfaits. Mère, ô nature, pour t'offrir fièrement l'âme que tu fis pure, ô rêve oriental de vivre, ô donne-moi asile au jardin clair du nouvel autrefois, dans la patrie où j'ai choisi ma destinée, au bord des flots où cette âme réelle est née, où dans la vérité et dans la volupté, tout est beauté, tout est bonté, tout est clarté.